Le baron Taylor. Premier chapitre. Si la France est reine du monde, si nous voyons les peuples se courber devant elle et saluer sa gloire, c'est que, seule entre toutes les nations, elle a constamment applaudi, soutenu, protégé les arts. Chez nous éclate avec plus de vivacité que partout ailleurs cet enthousiasme qui chauffe le génie et fait éclore les chefs-d'œuvre. Même dans les plus mauvais jours, au sein de la tempête révolutionnaire, au milieu des absorptions industrielles, malgré l'émeute et malgré la bourse, malgré les barricades et l'agiotage, malgré l'instinct bourgeois, malgré tous les fléaux, la religion de l'art n'a pas encore vu, en France, déserter son autel. De courageux apôtres sont là, toujours prêts à la lutte. Ils chassent, comme le Christ, les marchands du temple. Ils sont les gardiens de la doctrine. Ils réveillent les saintes ardeurs de la foi artistique. Patients, résolus, infatigables, on les trouve éternellement sur la brèche lorsqu'il y a des obstacles à vaincre, des résistances à combattre. Ils soutiennent le courage abattu, raniment la confiance éteinte, entretiennent le feu sacré dans les âmes et ne demandent pour eux ni récompense ni salaire. Nous venons de tracer en quelques lignes le portrait du baron Taylor. C'est le plus fervent, le plus actif, le plus intrépide et le plus dévoué de tous ces apôtres dont nous venons d'expliquer la généreuse mission. Sans autre fortune que son esprit, sans autre puissance que son cœur, on l'a vu depuis 50 ans opérer des prodiges. Il n'a jamais cessé de prêcher la croisade contre les sarrasins modernes qui arrête la marche des arts. Il a suscité contre eux plus d'un Charles Martel, fournissant aux héros ses premières armes et lui présageant la victoire. Isidore Justin Séverin, baron Taylor, est né à Bruxelles en 1789. Il appartient par sa mère à une ancienne famille d'Irlande, les Walvain. Il reste encore quelques membres de cette famille en Angleterre. Ils habitent le château de Longworth, dans le Herefordshire. Chassé par la conquête britannique, ses ancêtres se réfugièrent sur le continent et vinrent habiter la Flandre occidentale. En compulsant les vieilles chroniques flamandes, on trouve vers 1297 un seigneur du nom de Walvain au nombre des nobles qui furent, à Ypres, victimes d'une sédition populaire. On les précipita du haut des fenêtres de l'hôtel de ville. 30 ans après, un Jean Walvain était à la tête de la magistrature de Bruges. Sur la fin du siècle dernier, M. Walvain, grand-père du baron Taylor, fut nommé gouverneur du cercle de cette ville et devint le conseiller intime de l'empereur Joseph II, frère de Marie-Antoinette. À l'exemple de Frédéric de Prusse, Joseph II se montrait grand partisan des idées philosophiques. Il ne devinait pas que derrière l'impiété voltairienne se dressait l'échafaud de sa sœur. La persécution des catholiques excita des révoltes en Flandre. M. Walvain fut obligé de prendre la fuite après avoir vu sa maison livrée au pillage. Il se réfugia à Marseille où il mourut. Les Marseillais l'avaient nommé commandant en chef de leur garde nationale. À Bruges, M. Walvain a laissé les plus honorables souvenirs. Un jardin botanique et une des écluses de la ville portent son nom. Il créa 2 bourses au collège de Bruges pour élever 2 jeunes gens choisis par la ville. Un de ses élèves a été le célèbre bibliographe Van Praet, mort conservateur à la Bibliothèque royale de Paris, et l'autre, M. Le Gillon, peintre de genre distingué. On conserve aux archives de Bruxelles la correspondance de M. Walvain, gouverneur du cercle de Bruges, avec Joseph II. Sa fille, mariée à un noble anglais depuis naturalisé français, est la mère du baron Taylor. Il eut aussi un fils, Charles Walvain, massacré à l'abbaye aux journées de septembre. Du côté paternel, celui-ci compte également des illustrations. Le général Taylor, qui alla combattre en Irlande pour la défense du catholicisme, est son oncle. Il vint plus tard mettre son épée au service de la France. Ruiné par les discordes politiques, la famille Taylor eut à supporter de mauvais jours. Ne pouvant plus offrir à son dernier héritier ni fortune ni patrimoine, elle voulut au moins lui donner les bienfaits de l'éducation. Elle s'imposa les plus durs sacrifices pour l'envoyer étudier à Paris. Taylor commença ses classes au pensionnat de M. Sané. Sous la direction de M. Jacob, son successeur, il reçut quelques leçons préparatoires à l'école polytechnique. Mais le jeune élève montrait plus de disposition pour les arts que pour les sciences. Il dessinait avec goût. Les premiers essais de son crayon révélaient une grande originalité, un talent réel. On le dirigea vers la carrière qu'il semblait choisir, tout en le laissant achever ses études au Collège de France. À 18 ans, il dut marcher seul dans la vie et se créer des ressources par ses propres efforts. La plume et le crayon lui vinrent en aide. Quelques éditeurs lui commandèrent des dessins, puis une circonstance heureuse le poussa du côté du journalisme. Bientôt, ses articles critiques eurent la vogue. On put deviner, dès cette époque, l'homme profondément judicieux qui allait apporter la lumière dans les questions d'art et ouvrir des horizons inconnus. Il songeait à compléter par des voyages ses études artistiques. Exempté de la conscription en 1810 pour cause de santé délicate, il se croyait quitte avec la loi. Mais il se trompait. L'empereur ayant demandé tout à coup force troupes, on revint sur les anciennes décisions, et notre journaliste, jugé définitivement propre au service militaire, fut obligé d'acheter un homme. Une fois remplacé sous les drapeaux de César, il prit son crayon, ses albums, le sac et le bâton de touriste et se dirigea du côté de la frontière. Il visita d'abord la Flandre, sa patrie, puis, inclinant de l'ouest au sud et traversant l'Allemagne, il ne tarda pas à saluer la terre italienne. Rome, Naples, Florence lui ouvrirent leur muséum. Deux années durant, il se chauffa la tête et le cœur au foyer des arts. Revenu en France à la fin de 1813, il fut très surpris d'apprendre qu'il lui restait encore à démêler quelque chose avec le service militaire. On enrôla notre touriste dans les gardes nationales mobiles, en compagnie du peu de jeunes gens que la mitraille avait épargnés. Il fallut que Taylor se résignât en qualité de neveu d'un général à accepter le grade et la paye de sous-lieutenant. Bientôt, il comprit tout ce que sa nouvelle position lui offrait d'avantage. En attendant qu'on l'appelât sur le champ de bataille, il trouvait une existence matérielle assurée et conservait assez de loisirs pour reprendre ses anciens travaux de journaliste. Réunis dans la même main, la plume et l'épée vivent en bon accord. Du journal au théâtre, il n'y a qu'un pas. Notre jeune écrivain voulut le franchir et débuta par un drame en 5 actes, intitulé « Bertram ou le pirate », qui eut 200 représentations à Paris. On traduisit l'œuvre en italien. Bellini composa la musique. Encouragé par le succès, l'auteur composa coup sur coup 3 autres pièces, « Le délateur »,« Ismaïl et Mariam » et « Le chevalier d'Assa ». Une petite comédie en actes, « Amour et étourderie » complète le répertoire dramatique de M. Taylor. Il entra aux gardes en 1814, en même temps que Lamartine. Ses anciennes études pour l'école polytechnique lui furent profitables. On l'admit au concours lors de la création de la compagnie d'artillerie dans laquelle il obtint le grade de lieutenant. Cette compagnie reçut le nom de compagnie de Wagram, ce qui prouve que la Restauration ne répudiait pas absolument les gloires de l'Empire. Tous ses congés se passaient en voyage. Vers 1816, il retourna en Allemagne. L'année suivante, il parcourut la Hollande et l'Angleterre. Ses études archéologiques, poussées au plus haut point, devaient un jour doter nos bibliothèques d'un ouvrage extrêmement remarquable, sur le mérite duquel nous aurons longuement à nous étendre. Il ne restait plus à M. Taylor qu'à visiter l'Espagne. Là devait se compléter la série de documents précieux qu'il amassait au profit de l'art chrétien, dont il a toujours maintenu les droits et constaté le triomphe. Admis dans la garde royale, en qualité d'aide de camp du général comte d'Orsay, il fit partie de l'état-major de l'armée expéditionnaire qui franchit les Pyrénées en 1823. Dans cette campagne, les investigations de l'artiste n'empêchaient pas le soldat de remplir noblement et courageusement ses devoirs. S'il y avait une mission sérieuse et difficile, c'était à notre officier d'état-major qu'on la confiait. Il s'engageait seul au travers des contrées ennemies, entouré de périls sans nombre, et les bravant tous. Plus d'une fois, il fut mis en joue par le tromblon d'un bandit, au moment où il dessinait les ruines d'un vieux château ou la flèche dentelée de quelque chapelle monastique perdue dans les sierras lointaines. Un jour, on lui dit de monter à cheval et d'aller se mettre à la disposition du général Bordesoul, qui assiégeait Cadix. Il s'agissait de recevoir les communications écrites de ce chef et de les porter à Lisbonne d'abord, au comte Hyde de Neuville, ambassadeur de France, puis au général Bourg, qui commandait l'expédition de la Corogne. Notre intrépide baron devait traverser le Portugal et la Galice, occupés d'un bout à l'autre par les troupes du général Plasencia. Il part, confiant en Dieu et en son courage. Pendant 3 jours, toutes les difficultés de la route sont vaincues. Le soir du 4e jour, il arrive sur les bords du Minho et reconnaît l'impossibilité de traverser le fleuve sans tomber au pouvoir des corps ennemis gardiens de la rive opposée. Un paysan portugais aborde l'officier voyageur et l'examine curieusement. « Puis-je vous être agréable en quelque chose ?» lui dit-il. « J'aime les Français. »« Ah ! » fit Taylor, regardant son homme et se croyant en face d'un espion. Le paysan devina sa pensée. « Étiez-vous à Paris en 1811 » demanda-t-il. « Oui, pourquoi ? » Vous devez vous rappeler d'avoir vu un régiment de cavalerie portugaise y monter la garde. En effet, répondit Taylor, au boulevard du Temple. Je faisais partie de ce régiment. J'ai servi la France et je ne laisserai pas un officier français dans l'embarras. Pourrez-vous, dit Taylor, me faire traverser le fleuve à minuit? Rien de plus simple. Ma barque est à vos ordres. Mais il y a des vedettes à l'autre bord. L'essentiel est de ne pas tomber dans une embuscade. Vous trouverez là-bas, en débarquant, un guide et deux chevaux de poste vigoureux qui vous conduiront d'une seule haleine jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me charge de tout. Taylor lui serra vivement la main. À minuit, le brave paysan le reçut dans sa barque. On traversa le fleuve. Le guide avec ses chevaux était sur l'autre rive et l'envoyé du général Bordesoul franchit au galop les lignes ennemies. 100 balles sifflèrent à ses oreilles sans l'atteindre. Il termina son périlleux voyage et fut mis à l'ordre du jour de l'armée par le général Bourg pour l'héroïsme et l'habileté dont il avait fait preuve. Le résultat de cette mission si heureusement accomplie fut la reddition de Cadix. On nomma notre officier capitaine d'état-major. Il passa plus tard au grade de chef d'escadron. Ici finit l'histoire du soldat, celle de l'artiste et du bienfaiteur des artistes complétera ce petit livre.